Fin. Table des matières. Page. Préface. Livre 1er. Considération générale 1. Dégénérescence physique et morale de l'espèce humaine 4. Exposé du livre 13. Statistique des cas d'exemption de la conscription 14. Livre 2e. De la nécessité de la petite vérole. Caractère de la matière variolique 31. Livre 3e. Le vaccin 48. Chapitre 1er. Action spéciale du vaccin sur la peau. Démonstration. Opinion et théorie des vaccinateurs Ibidem. Chapitre I. Varioloïde ou petite vérole sur les sujets vaccinés 61. Livre 4e. Conséquences du vaccin 66. Chapitre 1er. Variole interdite fièvre typhoïde Ibidem. Statistique de M. Carnot sur les tables de mortalité 71. Polémique récente sur la nature de la fièvre typhoïde 74. Traitement abortif de la petite vérole. Ses conséquences 77. Chapitre I. Angine varioleuse, dite gangréneuse. Angine couenneuse. Groupe 82. Chapitre I. Des tubercules, de l'aphtisie, de la détuberculisation par la petite vérole. Observation et expérimentation 106. Chapitre IB. Engorgement lymphatique. Scrofule. Cancer 116. Statistiques sur les affections cancéreuses 119. Chapitre V. Affection du cerveau et des facultés intellectuelles. Dégénérescence morale 120. Statistiques des aliénés en France 123. Statistiques proportionnelles des aliénés selon la position géographique 124. Statistiques des suicides en France de 1827 à 1849, 126. Statistiques des suicides comparativement aux chiffres de la population 127. Statistiques de la répartition par saison des suicides en France 128. Chapitre VI. Maladie de la moelle épinière. Paralysie des membres inférieurs 132. Chapitre VI. Maladie de la circulation. Asthme. Catarrhe. Pleurésie. Pneumonie. Anévrisme du cœur et des artères 137. Chapitre VI. Conséquences du vaccin. Conclusion 138. Statistiques de l'aphtisie pulmonaire Ibidem. Livre 5e. Notice historique sur la vaccine. Origine. Propagation. Procédé employé pour la maintenir jusqu'à nos jours 147. Géné ou NASH 151. Géné préfère pour son enfant l'inoculation de la petite vérole au vaccin 152. Hauteville, Pearson 155. La Rochefoucauld-Yancourt 158. Liste des premiers souscripteurs pour la propagation du vaccin 159. Le comité de vaccins de Paris 161. L'effet d'inefficacité du vaccin se multiplie. L'expérience après l'enthousiasme 167. Défense du vaccin. Invention de la fausse vaccine Ibidem. Invention de la varioloïde 170. L'opinion officielle et l'opinion intime des vaccinateurs 176 et 177. Invention de la nouvelle réceptivité variolique 179. Nouveau fait Ibidem. L'Académie déclare le vaccin fatigue et 183. Recherche du Copox 984. Découverte du Copox sur une vache à pastilles Ibidem. Un succès du nouveau Copox 194. L'Académie reconnaît temporaire l'action du vaccin 195. Elle se prononce pour la revaccination 196. Revaccination de l'armée prussienne 200. Revaccination à Saint-Pétersbourg 210. Le comité de vaccine ne demande plus que l'inamovibilité 217. Livre 6e. Considération générale sur l'histoire de la petite vérole 218. Germinée Ibidem. Livre 7e. Conclusion générale 237. Inoculation. Hospices spéciaux Ibidem. L'inoculation de la petite vérole doit être substituée à la vaccine Ibidem. Formation d'un hôpital spécialement destiné à l'inoculation et au traitement de la petite vérole, au traitement simultané de la fièvre typhoïde, des angines couenneuses et gangréneuses, des scrofules, des cancers et de l'aphtisie tuberculeuse 247. Fin. Paris. Imprimerie de Gustave Gracio, 30, rue Mazarine.